J'ai fait de la cul pour Richard. Je suis pas d'accord. Tu vois, elle en face, on la prend seule alors qu'elle rend souvent accompagnée. Je peux te le dire. Et ça, pour la douche, c'est important. Il faudrait qu'il efface ses aménagements pour le bruit. J'en peux plus. Ses gosses qui sautent sur le plancher, j'en peux plus. Je dors avec des boules pièces. Je sais, c'est dangereux, j'ai une amie qui va y cramer au fond. Les pompiers ont arrêté de lui téléphoner. En pleine nuit, elle n'entendait rien. Elle sentait pas l'odeur puisqu'elle dormait. Eux, ils ont cru qu'elle était partie en week-end. Faut dire, c'est pas comme ici. Non, c'est rare. Entre voisins. Oh, t'es vraiment pâle, dis-moi. Monsieur, ça va? J'ai fini par me dessiner. D'habitude, ce genre de réunion, c'est pas mon truc. C'était pas un jour à danser, mais on a bien vieilli. Y'en a qui ont pris beaucoup de cheveux. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Ça faisait X ans que je t'avais pas vu comme ça. C'est l'ambiance. Aussi, s'il danse, tu iras danser. Je l'ai écouté. Je garde un souvenir inoubliable. On a bien vieilli. Comme c'était drôle. Ça résonne ici aussi, moins qu'à la maison, dans la cuisine, incroyable. Je supporte même plus le son de ma voix, c'est le carrelage. Une goutte, sinon je veux pas fermer l'œil. Déjà à cœur. T'es sûr, tu veux pas dîner avec moi ce soir? Tu m'as l'air bien isolé, on te voit pas beaucoup. Faut pas avoir peur, faut pas se gêner. Bon, c'est certain, faut pas abuser. C'est vrai, chacun chez soi, ça fait du bien. Un peu d'intimité, c'est nécessaire. Mais quand même, on ne voit pas beaucoup. C'est d'autant plus dommage qu'on t'apprécie. On se disait ça l'autre jour entre voisins. Faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Faut que tu la vois, toute neuve, brillante. Tu passeras, hein? Ah, et n'oublie pas les pieds. Thank you. Thank you. kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, pour ceux qui aiment le jazz, pour ceux qui aiment le jazz, pour ceux qui aiment le jazz, des kilomètres, des kilomètres. Thank you.